C'était à la une. La presse, 4 décembre 1897. Le boulevard. Nos jolies frondeuses. Dès demain, les murs de Paris et de la France seront recouverts d'affiches éclatantes. On y lira « La Fronde », grand journal quotidien dirigé, administré, rédigé, composé par des femmes. Et, au-dessous, cette proclamation. Les femmes forment en France la majorité de la population. Des millions de femmes, célibataires ou veuves, y vivent sans le soutien légal de l'homme. Les femmes paient les impôts qu'elles ne votent pas, contribuent par leur travail manuel ou intellectuel à la richesse nationale et prétendent avoir le droit de donner officiellement leur avis sur toutes les questions intéressant la société et l'humanité dont elles sont membres comme les hommes. La Fronde, journal féminin et féministe, sera l'écho fidèle de leurs approbations, de leurs critiques et de leurs justes revendications. Cette déclaration est nette et précise en sa concision. Une de nos plus aimables féministes m'en a donné lecture et m'a aussi donné l'adresse du directeur, Madame Durand de Valfer, au domicile particulier de laquelle je me suis rendu d'abord. Mais là, on me fit connaître que le directeur de la Fronde passait maintenant ses journées entières dans les bureaux de son journal. C'est là, 14 rue Saint-Georges, que je me présente ensuite et que je suis accueilli par une charmante jeune femme au bandeau tombant qui, très gracieuse, me fait attendre un instant dans une salle de rédaction dont je puis dès maintenant admirer la correcte élégance. Mais voici Madame Durand de Valfer qui entr'ouvre la porte de son cabinet directorial où je me trouve bientôt. « Ainsi, chère madame, vous partez en guerre. »« En guerre ? Mais contre qui ?»« Dieu merci, nous n'avons que des amis, et d'ailleurs, nous ne perdrons pas notre temps à des polémiques stériles. Si j'ai fondé la Fronde, c'est afin de faire de la bonne besogne. Nous avons assez parlé, il faut agir. » Et je crois que c'est une activité féconde que celle qui consiste à faire gagner leur pain à tant de jeunes femmes qui, pleines de courage, ne demandent que du travail. Si dans notre journal, nous fermons la porte de la rédaction aux hommes, c'est parce que des femmes de talent ont quelque chose à dire et veulent le dire. On nous dit bien, mais le rôle de la femme est d'être épouse et mère. Certes, monsieur, toutes les femmes ne demandent que ça. Encore faut-il le pouvoir. Savez-vous que ça coûte cher un mari par le temps qui court ? Toutes les femmes ne peuvent pas se payer ce luxe-là. Alors quoi ? Rester fille ? Donner des leçons ? Entrer dans le journalisme ? Oui. Quand on est jolie, ça va tout seul. Tout le monde est aimable, depuis le directeur jusqu'au dernier garçon du bureau qui vous introduit par des entrées détournées. Mais les autres, celles qui sont laides, faut-il qu'elles meurent de faim, celles-là ? Dans la Fronde, nous lutterons pour la femme écrivain qui veut placer sa copie. Pour l'ouvrière qui veut avoir un salaire égal à celui de l'homme, pour la femme qui veut avoir les possibilités d'être épouse et mère. Croyez-vous que c'est drôle de travailler dans une administration ou dans une usine du matin au soir ? Allez, ce n'est pas pour leur plaisir que tant de femmes entrent dans les administrations ou dans les usines. Mais je vous le répète, un mari ça coûte cher. Et vous avez pu réunir une rédaction féminine suffisante ? Mais parfaitement. Et des plus complètes. Nous avons même un rédacteur parlementaire. C'est mademoiselle Hélène C., qui connaît son monde politique sur le bout des doigts. Et votre programme ? Un programme. La défense des droits de la femme. Nous nous plaçons en dehors de toute coterie féministe. Pour réaliser mon projet, que je caresse depuis un an. Je n'ai consulté aucune de mes amies. Si, une seule. Madame Pognon. Elle est discrète et sérieuse. Et vous paraissez jeudi prochain ? Oui, jeudi, tout sera prêt, installation et rédaction. Vous viendrez nous voir, n'est-ce pas ? Nous vous recevrons dans le bar. Ah, vous aurez un bar ? Mais oui, nous ne sommes pas ennemis d'un peu de gaieté, et surtout, nous ne voulons pas qu'on nous prenne pour des ennemis féroces de l'homme. Vous autres, nos confrères masculins, que nous n'admettrons pas dans notre rédaction, nous vous recevrons au bar. Et l'on pourra causer tout à son aise de politique et faire de l'esprit. Ce n'est pas défendu, n'est-ce pas ? Alors vous viendrez bientôt. Léon Parson.